scénariste, Ndiko Banyanga. Recumana sur la maison, on est bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Se faire inscrire pour répondre aux élections, c'est un droit, mais pas une obligation, indiqué le politologue Denis Machimi-Woussa. C'est après que quelques administrateurs communaux aient sorti des communiqués indiquant à la population que se faire enrôler au rôle électoral est une obligation, arguant que même qu'ils ne bénéficieront aucun document administratif s'ils ne possèdent pas de récépissé attestant qu'ils se sont fait enrôler. Les regards des égouts qui acheminent les déchets provenant dans différents quartiers de Nyakabiga et Bgiza vers le centre d'épuration de Buterere. Les uns ont été couverts et d'autres sont toujours sans couverture. Une situation qui inquiète toujours la population des environs. Il se tient à Bujumbura la 17e édition du Forum d'affaires du marché commun de l'Afrique de l'Est et Australe Comesa. Ce forum se tient à marge du 23e sommet de cette communauté dès son mercredi 30 jusqu'au 31 octobre de l'année en cours. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page diplomatie. Avant la pandémie de Covid-19, le secteur de tourisme contribuait à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenait à peu près 300 millions d'emplois dans le monde. Cela a été dit ce lundi par le Premier ministre Gervain de la Kubucha lors du lancement officiel du 17e forum économique du COMESA. Le secrétaire général de cette organisation, Chileche Mpundu Kapwepwe, a indiqué que le changement climatique continue à menacer les économies et moyens de subsistance du marché commun de l'Afrique de l'Est et Australie. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Lors de l'ouverture de son 17e forum économique des pays membres du COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa en anglais, le premier ministre burundais Gervain de la Kubucha a indiqué que le Burundi, comme d'autres pays de la région, est confronté au manque d'infrastructures et l'accès au marché. Il précise néanmoins que le Burundi connaît une croissance économique de 4,1% par an en moyenne, selon une étude de la Banque africaine de développement. Selon une étude de la Banque africaine de développement, le Burundi a enregistré des avancées remarquables au cours de ces dernières années, avec une croissance économique de 4,1% par an en moyenne entre 2019 et 2023. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au marché. Le premier ministre burundais fait savoir que le tourisme reste un secteur de croissance économique dans les pays membres de COMESA. Le tourisme est lui aussi un secteur qui offre d'importantes possibilités de croissance économique dans notre région. Avant la pandémie de COVID-19, les voyages et le tourisme contribuaient à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenait 289 millions d'emplois dans le monde, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le tourisme dans la région COMESA a été fortement touché par la pandémie, mais il reste un domaine clé pour la reprise et la croissance. Quant au secrétaire général du COMESA, Chieche Kapwepwe, le changement climatique continue de menacer l'économie et les moyens de subsistance des pays membres de cette communauté. Il précise que ce forum sera l'occasion d'aborder ces questions collectivement en vue de proposer des solutions durables permettant l'accélération de l'intégration régionale. Le secrétariat général du COMESA est en train de travailler sans relâche dans le but de la promotion du commerce dans la région, mais les changements climatiques restent un grand défi qui cause la chute de l'économie en Afrique. Mais nous sommes confiants que lors de ce forum, nous aurons des échanges qui pourront trouver solution à ces défis. Le COMESA est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants. La radio de l'avenir. Page politique à présent. Aucune loi n'autorise les autorités administratives à exiger des citoyens à se faire inscrire au rôle électoral pour avoir accès aux services nécessaires. Propos d'Anissé Nyonguru, président du parti CDP. Il a dit ce lundi, après que certains administrateurs communaux aient publié des circulaires interdisant aux citoyens l'accès, par exemple, au marché ou aux services administratifs s'ils ne présentaient pas de documents prouvant leur inscription. Selon lui, les administrateurs communaux devraient trouver d'autres moyens de les sensibiliser. Il n'y a aucune loi qui dit que chaque citoyen burundais doit aller voter. La loi, il n'y a aucune loi qui précise cela. Donc la correction actuelle, c'est une mesure administrative, mais qui n'est fondée sur aucune loi. Alors nous pensons que c'est important que les Burundais aillent aux élections. Parce que d'ici 6 mois, parce que nous sommes encore en octobre, et si vous ne vous êtes pas fait inscrire pour aller aux urnes, vous allez le regretter. Vous allez dire, voilà, moi si je m'étais fait inscrire, j'aurais dû aller voter pour ceci, pour cela. Alors, il ne faut pas que les Burundais regrettent plus tard. Il faut qu'on aille se faire inscrire. Et dire, voilà, j'attends le moment opportun, le moment des élections. Le parti Sawanyafro-Debou trouve qu'obliger les gens à se faire enrôler est une injustice. Le porte-parole de ce parti indique que les administratifs qui le font devraient sensibiliser la population sans faire recours au chantage en évoquant le bien fondé de l'enrôlement. Bikoli Ntagara, Sylvestre rappelle, la CENI a usé de tout son pouvoir pour lutter contre ces irrégularités qui s'observent afin qu'il y ait un bon déroulement des élections. Le Front Debout ne peut soutenir en aucun cas ces agissements des responsables ou des administratifs. Aucun citoyen ne peut être contre d'aller voter quand il ne se sent pas d'aller, parce que la Constitution ne l'exige pas, la loi électorale ne l'exige pas. Je veux dire, lorsqu'il y a des autorités qui proclament haut et fort que le gouvernement a tout, est en droit d'user de tous les moyens pour contraindre ces gens à aller voter, ça c'est une menace. On appelle ça un chantage inacceptable. Mais je rappelle aux citoyens que c'est le moment de voir que c'est ce gouvernement, ce régime actuel qui leur ôte tous leurs droits, même celui de ne pas exercer son droit. Donc, j'en profite pour inviter la population d'aller se faire inscrire massivement et aller voter du bon côté du changement démocratique pour que toutes ces institutions qui pèsent sur leurs droits soient écartées. Nous relançons encore une fois notre alerte à la CENI pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce qui reste à régler, c'est à lui de le faire parce qu'il a le plein pouvoir de par la loi électorale. Il a des décisions qu'il a à prendre, il a à mettre en place donc un calendrier électoral qui soit conforme à la loi et qui peut être favorable à tout le monde. Voter ne constitue en aucun cas une obligation au regard de la Constitution burundaise. C'est tout simplement un droit garanti par le fondamental. Analyse d'un politologue enseignant d'université qui trouve que le pouvoir public devrait procéder à des sensibilisations diverses. Professeur Denis Banchimiyoussa indique que les mesures obligeant la population de se faire enrôler ne sont pas fondées. Qui dit droit ne dit pas obligation. Lorsqu'on dit que le vote est un droit, c'est-à-dire on peut jouir de ce droit ou ne pas en jouir. Alors que lorsqu'on dit que c'est une obligation, cela doit ressortir avec les sanctions lorsque vous outrepassez cette obligation. Est-ce qu'il existe des pays où le droit de vote est une obligation ? Tout à fait. Par exemple, la Belgique, la Grèce, Costa Rica, le Brésil et bien d'autres pays. Il existe des pays où le vote est une obligation. Dans ce cas, lorsque vous ne prenez pas part au vote, c'est une infraction et vous êtes sanctionné. Comment alors vous expliquez ces mesures dans le contexte actuel ? Il est difficile de comprendre le pourquoi de ces mesures, mais ce qu'on constate, c'est que d'abord, c'est l'émanation de la conception des hautes autorités du pays et qui continuent à confondre le droit et l'obligation. C'est là la première erreur qui pousse ces administratifs à la base, mais aussi nous avons vu des administratifs au niveau des ministères qui prennent des mesures à l'encontre de la Constitution. Aujourd'hui, s'il y a cette volonté d'appeler le peuple en âge de voter à se faire enrôler massivement, comment l'administration devrait procéder en vue d'atteindre cet objectif? Nous avons entendu le président de la CENI dire que l'État burundais a la légitimité de recourir à tout moyen pour mobiliser la population. Sur ce point, il a raison. Sauf que l'État burundais doit recourir aux moyens légaux et reconnus par la Constitution. Il faut mobiliser pacifiquement, notamment en expliquant à la population le bien fondé de prendre part aux élections. Les partis politiques ont aussi ce devoir, les confessions religieuses et les associations sans but lucratif, mais toujours en respectant la loi. Cet enseignant d'université trouve que la population peut être dégoûtée d'aller au vote par le fait que le pouvoir public n'a pas amélioré les conditions de vie. Certes, selon Denis Manchimi Boussa, la population peut ne pas avoir l'engouement d'aller voter puisque les prochaines élections ne concernent pas l'institution du président de la République qui intéresse plus les Burundais. Généralement, lorsqu'on parle de vote, la population a en tête élire un président de la République. Or, pour le moment, aujourd'hui au Burundi, ces élections ne concernent pas le président de la République. Donc, il peut y avoir une conception selon laquelle, puisqu'il ne s'agit pas d'aller élire un président de la République, ces votes n'ont pas d'importance. Bien évidemment, c'est une erreur monumentale parce que élire les députés et les sénateurs, élire les conseillers communaux, c'est une tâche importante parce que ces représentants ont un rôle important à jouer. Une autre raison, lorsque la population voit que chaque fois qu'elle prend part au vote, rien ne change dans leurs conditions de vie, eh bien la population risque de se décourager et penser que aller voter ne signifie absolument rien puisque ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à leur vie. Les institutions qui pourraient sortir de ce genre de vote qui risque d'être un vote par contrainte peuvent prêter à confusion. Et c'est déjà la question que l'on se pose. Est-ce que le citoyen qui va s'enrôler par force pourra-t-il sentir le besoin de se déplacer pour aller voter? Et s'il sent ce besoin de se déplacer pour aller voter, est-ce qu'il le fera librement? Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La perpétuité ainsi qu'un dédommagement de 175 millions de francs burundais, sans oublier une contrainte par corps en cas de non-paiement de cette somme. Ce sont quelques-unes des condamnations du tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit du policier qui a tué 3 personnes dans un des bistrots de Ngozi. C'était ce samedi passé. L'accusé s'est défendu, disant qu'il se protégeait contre ceux qui voulaient le désarmer, chose qui n'a pas convaincu le siège. Une information que nous devrons à notre confrère Apollinaire Muzagara. Dans cette audience publique en flagrance, le parquet a accusé ce policier de meurtre prémédité d'autres personnes et de blesser une autre. C'était samedi passé, vers 3h30, dans un bistrot de Ngozi. Ce policier de grade AP2 a tiré sur toute personne qui était là. Motif, ils lui ont refusé de boire par force leur bière, comme l'indique les rescapes. Lui aussi n'en est pas en bloc les accusations. Il justifie cette malfaisance par le fait qu'on voulait le désarmer, chose rejetée par le parquet et les thèmes. Le parquet a alors requis la prison à vie et la famille des victimes a demandé un dédommagement de 560 millions de francs. Après le huis clos, le tribunal de grande instance de Ngozi l'a condamné à la perpétuité. Le bureau doit également payer un dédommagement de 175 millions de francs aux familles des victimes. On lui a aussi ôté le droit de port d'armes. Et en cas de non-paiement de cette somme, il va écoper une contrainte par corps de 835 ans. Une foule nombreuse s'était donné rendez-vous au TGI Ngozi pour suivre son procès. Donc Ngozi, apprenez Muzagara, Radio Isanganiro. L'actualité continue sur Isanganiro. Parlons agriculture à présent. Les agriculteurs de la commune Nyarusange de la province Gitega qui n'ont pas encore été servis en engrais chimiques demandent qu'ils soient vite servis, surtout que la période de saison de semis de la saison culturelle attend à prendre fin. Ils regrettent le fait qu'ils n'ont pas eu la dolomie et l'urée. L'administrateur de la dite commune reconnaît l'insuffisance des engrais chimiques et sa distribution irrégulière dans sa commune. Les détails avec Gélane Vikit. Certains agriculteurs de la commune Nyarusange révèlent qu'ils viennent de passer toute une semaine en allant au chef-lieu de leur commune pour chercher des engrais chimiques pour lesquels ils ont déjà payé, sans toutefois être servis. Ils regrettent tous le temps perdu et la fatigue et la soif et la faim auxquelles ils font nécessairement face. Ils expliquent que la réponse qui leur est souvent donnée est qu'il n'y a pas d'engrais chimiques au chef-lieu de leur commune ou alors que le carburant de type mazout fait défaut pour rendre possible l'acheminement de ces engrais chimiques vers les stocks situés au chef-lieu de la dite commune. Ils demandent alors que les engrais chimiques les soient octroyés avant l'expiration des délais d'issemis pour qu'ils puissent semer donc le haricot, le maïs et les lésines souvent cultivés dans leur commune. De son côté, l'administrateur de la commune Nyarusange, Innocent Daisenga, reconnaît lui aussi que les engrais chimiques manquent ou sont servis de façon très irrégulière. Il salue néanmoins les efforts fournis par sa population par rapport aux travaux agro-pastoraux qu'elle exerce. Il remercie en outre l'État burundais pour ses efforts d'aider la population en subventionnant les semences et engrais chimiques, même si ces derniers manquent. Vous saurez que, selon les agriculteurs de Nyarusange contactés, personne parmi eux n'a encore eu la dolomie et l'irée jusqu'à présent. Depuis Gitega, Jeanne Wigira pour la radio Isanganiro. Après Gitega, cap sur Kayanza pour parler éducation. L'école fondamentale Mikuba de la commune Murutan, province Kayanza, souffre des manques criants d'eau potable. Les élèves scolarisés à cet établissement, tout comme leurs parents, tous tirent la sonnette d'alarme pour que cette école soit alimentée en eau potable, surtout pour prévenir contre les maladies des mains sales. Chez ses élèves, Edouard Habiakouré, directeur de l'éducation en commune Muruta, indique que la question a été déjà soumise à l'administration communale Muruta. Le détail avec Patrick Saint-Guyonfre. Certains des enfants scolarisés à l'école fondamentale et Mikuma en commune Muruta de la province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour avoir de l'eau à boire. Ils ont indiqué que quand ils ont soif, ils sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres pour avoir de l'eau à boire et que comme ça, ils perdent les moments d'apprentissage. D'autres disent qu'ils se munissent de petites bouteilles d'eau quand ils se rendent à l'école. C'est au moment où d'autres témoignent qu'ils demandent de l'eau à boire dans des ménages avoisinant leur établissement scolaire. Les enfants qui étudient à l'Ecofo Mikuba demandent que l'école soit alimentée en eau potable afin qu'ils puissent suivre les apprentissages dans de bonnes conditions. Même son de cloche avec les parents de ses élèves. Ceux-ci craignent d'ailleurs que le manque d'eau à cette école peut être à la base des maladies liées au manque d'hygiène que les enfants pourraient attraper. Il est précisé d'ailleurs qu'ils sont prêts à apporter leur contribution dans des travaux d'addiction d'eau potable à l'Ecofo Mikuba. Interrogé à ce sujet, Edouard Habiakouré, directeur de l'éducation en commune Muruta, celui-ci nous a fait savoir que le problème est connu et que l'administration communale Muruta aussi en est au courant. Le directeur communal de l'éducation à Muruta indique que l'administration communale Muruta tranquillise que les jours à venir, le problème d'eau potable à l'école fondamentale Mikuba sera résolu. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Page environnement présent. Le regard des égouts qui acheminent les déchets provenant dans différents ménages des zones Nyakabiga et Giza vers le centre d'épuration de Buterere, les uns ont été couverts et d'autres sont toujours sans couverture. Certains habitants demandent à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction bourrin en sigle de couvrir ces regards pour éviter des maladies de manque d'hygiène qui risquent de menacer la population environnante. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Dans les zones visitées comme zone Nyakabiga, précisément à Nyakabiga 3, 4e avenue, nous avons trouvé que certains de ces regards sont bien couverts et dans la zone Giza, à la 9e avenue, juste à la tête de la 2e avenue, Un de ses regards a été réparé en mettant du ciment et de fer à béton. Tout cela sont des efforts des citoyens. À la 7e avenue et 8e avenue dans la même zone, le constat est que certains de ces regards ne sont pas couverts et les déchets provenant des habitations sont visibles et dégagent des odeurs nauséabondes qui menacent les gens de cette localité. Ils trouvent que le manque de couvercle sur ces regards peuvent entraîner des maladies liées au manque d'hygiène. Ces regards ont des couvercles qui sont volés par des enfants de la rue qui circulent pendant la nuit et surtout la 8e avenue est trop menacée. De mauvaises odeurs nous menacent et la population s'organise en achetant des fers à béton pour couvrir ces regards en remplacement des couvercles. Nous venons de passer quelques jours en travaillant sur ce regard parce que les couvercles sont chaque fois volés par les enfants de la rue. Nous demandons à l'Oboa de trouver les couvercles pour nous prévenir des maladies de manque d'hygiène parce que les gens sont menacés par les odeurs nauséabondes. Ils demandent à l'Oboa de tout faire pour que ces regards aient des couvercles, sinon de chercher d'autres moyens de les couvrir afin d'éviter les cas du vol nocturne fait par des enfants qui sillonnent le quartier pendant la nuit. Dans l'urgence, nous demandons à l'Oboa de faire des devis et faire des couvercles en béton pour empêcher à ses enfants à continuer de voler. Avec ces couvercles en béton, ce sera une meilleure solution pour ses regards. Le fait que ces regards restent sans couvercle, c'est parce qu'il y a des enfants qui passent partout à la recherche de ces couvercles pour les vendre. Ils trouvent que la meilleure solution est d'utiliser le bétonnement pour empêcher que ces enfants continuent à sillonner pour voler ces couvercles, disait-il. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Kouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Bonne suite de programme sur Sanganiro.